constantly et être transformant en constamment renewing your mind. Renouvelant votre pensée. Which means as they stepped out, ce qui signifie comme elle reste dehors, there was a spiritual growth process. Il y avait un processus de croissance spirituelle. Alléluia. Alléluia. The constant transformation. La transformation constante. Through the renewing of their minds. À travers le renouvellement de l'intelligence. The reallocating of the value systems in their lives. En relocalisant les systèmes de valeurs dans leur vie. Beginning to reshuffle. Commençant à remanier. To throw out the values of the world that they came with. Réévaluer, de jeter les valeurs du monde avec lesquelles elles sont venues. The values of the churches of the world they came with. Les valeurs des églises avec lesquelles elles sont venues. And beginning to reprioritize, re-champion Jesus. Et commençant à mettre la priorité, à faire de Jésus un champion. As premium, as precious. As outstanding, comme le premier, le précieux, celui qui a un haut standing, as the one and only champion of their hearts, comme le un, le premier, le one, celui qui est le seul champion de leur cœur, as the one and only priority of their lives, hallelujah, comme le numéro un et seule priorité de leur vie. Alléluia. And so in this scripture here, Romans chapter 12, verse 2. Et alors, dans cette écriture ici, Romains chapitre 12, verset 2. It is very clear that as they stepped out. C'est très clair que, alors qu'elles sortent. There was supposed to be a transforming growth. Elles sont aussi supposées avoir une croissance qui les transforme. A constant renewal. Un constant renouvellement. Which renewal would only come through the infilling of the Holy Spirit. Ce renouvellement peut venir seulement à travers la plénitude du Saint-Esprit. So you see that when the end time arrives, alors vous voyez que quand la fin des temps arrive, when the critical moment arrives, the peak season, quand le moment critique arrive, la haute saison, the midnight hour arrives, quand l'heure de minuit arrive, it was so important that the virgins would have to be transformed completely. C'était si important que les vierges soient complètement transformées. In fact, that transformation is what graduates them. En fait, cette transformation les amène à un autre niveau. To become immortal, by the way. Pour devenir immortels, de toute façon. Because now, when the rapture takes place, they have won the immortality. Parce que maintenant, alors que l'enlèvement prend place, elles ont revêtu l'immortalité. They have won the imperishability. Elles ont revêtu l'impérissabilité. That you hear of in 1 Corinthians chapter 15, verses 50 to 56. Que vous entendez dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 56. The imperishability and the immortality that the bride of Christ wears. L'impérissabilité et l'immortalité que l'épouse de Christ revêt. To qualify her to be in the glorious body that Christ himself wears. Pour la qualifier à être dans le corps glorieux que le Seigneur lui-même porte. So she can unite with him. Alors elle peut s'unir à lui. Alléluia. Alléluia. And you see that comes out of that critical transforming power. Alors vous voyez que ça ressort de ce critique pouvoir de transformation, of the infilling of the added Holy Spirit, de la plénitude additionnelle du Saint-Esprit, the added vessel of the Holy Spirit, the jar, les récipients additionnels du Saint-Esprit, les jars, that they carried and brought with them, qu'elles portent et amènent avec elles, which the foolish virgins would not. Que les vierges folles ne prennent pas. Because all of them woke up, trimmed their lamps. Parce que toutes se réveillent et rognent leurs lampes. Alléluia. Alléluia. And then the wise virgins, after seeing that the lamps were going off. Alors, et ensuite, les vierges sages, après avoir vu que leurs lampes étaient en train de s'éteindre, they were able now to add the new oil, the external source. était capable d'ajouter la nouvelle huile, la source extérieure. The external oil. L'huile extérieure. Because now the basal level. Parce que maintenant, le niveau de base. The initial anointing. L'onction initiale. Of just saying Jesus is Lord. De juste dire Jésus est Seigneur. Even Jeremiah says it was common for them to say, for as long as my Lord lives. For as long as my Lord lives. Aussi, Jérémie dit, et c'était commun pour eux de dire, aussi longtemps que mon Seigneur vit. Aussi longtemps que mon Seigneur vit. Everybody could say that. Tout le monde peut dire ça. But then there was need for an edge. Alors ensuite, elles auront besoin d'une bordure. They added anointing from external source. L'onction additionnelle d'une source extérieure. From the infilling of the Holy Spirit. De la plénitude du Saint-Esprit. And that added source. Et cette source additionnée. Was able to transform them. Était capable de les transformer. So they can go into the spiritual realm. Alors elles peuvent aller dans le domaine spirituel. So they can completely delete, disconnect. Alors elles peuvent complètement supprimer, déconnecter. From the values of the earth, the values of the world. Des valeurs de ce monde, des valeurs de la terre. So they can go into the spiritual realm. Alors elles peuvent entrer dans le domaine spirituel. Be a glorious bride of Christ. Hallelujah. Et être une épouse de Christ glorieuse. Alléluia. So this is exactly what the bride of Christ looks like. C'est exactement à quoi l'Église ressemble. While the five foolish virgins were not able even to wear this character. Tandis que les cinq vierges folles n'étaient même pas capables de revêtir ce caractère. But let me bring it to another level. Laissez-moi vous amener à un autre niveau. When he said five foolish virgins, quand il dit cinq vierges folles and five wise virgins, et cinq vierges sages, the five wise virgins were able to enter. What did he mean? Les cinq vierges sages étaient capables d'entrer. Qu'est-ce qu'ils pensaient? Look at this, somebody. Regardez à ça. These that step out, the ten virgins, celles qui sont sorties, les dix vierges, they represent the section of the Pentecostal church. Elle représente la section de l'église de Pentecôte. That is preaching holiness. Hallelujah. Qui prêche la sainteté. Alléluia. Listen to me very carefully. Écoutez attentivement. And a remnant out of there steps out into the streets. Un restant de cela sort dans la rue. Steps out into the dark world. Sort dans le monde de ténèbres. No wonder in Matthew 22. Pas étonnant que dans Matthieu 22. He says he sent his servants. Il envoya ses serviteurs. To invite those for whom the wedding was prepared. Pour inviter ceux pour qui le mariage était préparé. The banquet was prepared. Le banquet était préparé. But they failed to come. Mais ils ne sont pas venus. They went about doing their daily businesses. Ils sont allés à leurs affaires journalières. Alléluia. Alléluia. One to their business. Celui-ci à ses affaires. One to his field. Celui-là dans son champ. And they did not pay attention to the messenger, the servants, the prophet of the Lord. Et ils n'ont pas prêté attention à ce que le serviteur, le prophète du Seigneur, that was sounding the warning that look, the fattened cattle have been butchered. Était en train de donner un avertissement sonore disant, regardez, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. And the wedding dinner is now ready. Et le festin de noces est maintenant prêt. Which is the wedding supper of the Lamb of God. Qui est le festin de noces de l'agneau de Dieu. Yet another parable Jesus gave about the rapture. Maintenant, une autre parabole que le Seigneur donne à propos de l'enlèvement. And so you find that he said, et alors vous trouvez qu'il a dit, they did not pay attention, the church. Ils n'ont pas écouté l'Église. And so the Lord had to send his servants to the streets. Alléluia. Alors le Seigneur doit envoyer ses serviteurs dans la rue. Alléluia. No wonder you see now, pas étonnant que vous voyez maintenant that even in Matthew 25, que même dans Matthieu 25, it is these few remnants that stepped out of the church. C'est ce petit restant qui sort de l'église. Stepped out in the streets, in the darkness. Qui sort dans la rue, dans les ténèbres. Begin to evangelize the darkness. Qui commence à évangéliser dans les ténèbres. Begin to show the light of Christ in the darkness. Commence à montrer la lumière de Christ dans les ténèbres. Not belonging to a club membership in the churches of today. N'appartenant pas à un club comme c'est dans les églises aujourd'hui. It is these ones here that the Lord was addressing. C'est à ceux-là ici que le Seigneur était en train de s'adresser. He says, it is those ones that step out in the streets. Il dit, ce sont ceux qui sont sortis dans la rue. Only 5 out of the 10, which means 50%. Seulement 5 parmi les 10. Seulement 50% will enter. Seront capables d'entrer. So you begin to understand how small the number is. Alors, vous commencez à comprendre combien petit est le nombre. It becomes the remnant of the remnant of the remnant. Et ça devient le restant du restant du restant. No wonder the Bible says, pas étonnant que la Bible dise, every word written in this book, the Bible, chaque parole écrite dans ce livre, la Bible, will be fulfilled with the letter. Veut être accomplie à la lettre. The new heaven will come, the new earth will come and go. Les nouveaux cieux veulent venir, la nouvelle terre va venir et partir. But this word will not change. Mais cette parole ne changera pas. Because this word tells us very clearly. Parce que cette parole nous dit très clairement. That like it was during the time of Noah. Que comme c'était du temps de Noé. So will it be at the coming of the Son of Man. Alors ce sera pareil lors de la venue du Fils de l'homme. And what do we see during the time of Noah? Est-ce que nous voyons pendant le temps de Noé? It was really a remnant of a remnant that went. C'était seulement un restant du restant qui s'en est allé. That was saved. Qui a été sauvé. Alléluia. Alléluia. And so it's very critical. Et alors c'est très important. And then another thing about the wise virgins. Et ensuite, une autre chose à propos des vierges sages. What is it about them that allowed them to enter? Qu'est-ce qu'il y a à propos d'elles qui leur a permis d'entrer? They fulfilled the book of Revelation chapter 19, verses 7 to 8. Elles ont accompli ce que l'Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. Because verse 8 talks about fine linen, bright and clean. That's the wedding gown they were able to put on. Parce que le verset 8 parle de fin lin, brillante et pure, et c'est ce qu'elles étaient capables de vêtir. Alléluia. Alléluia. They fulfilled that, which means they were sensitive. Elles accomplissent cela, ce qui signifie qu'elles étaient sensibles. That perilous times were coming. Que des temps périlleux étaient en train d'arriver. So they carried some midnight oil. Alors elles ont pris de l'huile de minuit. So they would be able to burn during the midnight hour. Alors elles seraient en mesure de brûler pendant l'heure de minuit. When the storms would become so strong. Quand la tempête va devenir tellement forte. When the enemy would be roaming around like a lion looking for whom to devour. Quand l'ennemi sera en train de regarder là autour, regardant qui il pourrait dévorer. When the lamps would be extinguished by the big storms, the winds. Quand les lampes seront affaiblies, presque éteintes par la forte tempête des vents. Alléluia. Alléluia. They carried additional source which is the oil. Elles ont pris une source additionnelle qui est l'huile. Which is the anointing of the Holy Spirit. Qui est l'onction du Saint-Esprit. They made themselves available as vessels for infilling. Elles se sont mises à disposition comme des récipients pouvant être remplis. Which infilling was able to empower them. Lequel remplissage était capable de leur donner un pouvoir. At the most critical time. Au moment le plus critique. But how did they do so? Mais comment l'ont-elles fait? By preparing the vessel. En préparant le récipient. By wearing the wedding gown. En se vêtant de la robe de noces. So the latter glory could infill them. Alléluia. Alors, la dernière gloire va les remplir. Alléluia. And look at this somebody. Regardez à ça. Also, in the book of Ephesians. Aussi dans le livre d'Éphésiens. Ephesians chapter 5. Éphésiens chapitre 5. Verse 26. Let's read that and see. Verset 26. Lisons ça. Verses 26 to verse 27, only two verses. Le verset 26 au verset 27, Seulement deux versets. He talks about that mighty power of preparing. Il parle à propos de ce puissant pouvoir de préparation. Let's begin from verse 25. Commençons au verset 25. Husbands, love your wife just as Christ loved the church and gave himself up for her. Alléluia. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. To make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. Alléluia. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Alléluia. And to present her to himself as a radiant church. Alléluia. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. Alléluia. And he says, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. And so you begin to see the identity. Et alors vous commencez à voir l'identité that the five wise virgins were able to wear. Que les cinq vierges sages étaient en mesure de porter. Which the five foolish virgins did not wear. Que les cinq vierges folles ne portaient pas. These ones became radiant. Celles-ci sont devenues rayonnantes. Having been washed by water, which is the Holy Spirit is talking about here. Ayant été lavées par l'eau, qui est le Saint-Esprit dont il parle ici. The Holy Spirit they carried, the extra anointing now. Le Saint-Esprit qu'elles portaient, l'extra onction qu'elles maintenant. That is washing them, that made them holy. Qui les lave, qui les rend saintes. Which means the five foolish virgins were not holy, hallelujah, not washed. Ce qui signifie que les cinq vierges folles n'étaient pas saintes, n'étaient pas lavées. No Holy Spirit washed them. Il n'y a pas de Saint-Esprit pour les laver. They didn't complete the process of washing. Elles n'ont pas complété le processus de lavage. No wonder they remained infant forever. Pas étonnant qu'elles restent dans l'enfantillage pour toujours. Mixing the flesh into their Christian walk. Mélangeant la chair dans leur marche chrétienne. But here you see that the water, which is the Holy Spirit, mais ici, vous voyez que l'eau, qui est le Saint-Esprit, the vessel of oil that they carried, the Holy Spirit, les récipients d'huile qu'elle charriait, le Saint-Esprit, was able to wash them through the water and the word, était capable de les laver à travers l'eau et la parole. And to present her to himself as a radiant church, they became radiant, hallelujah. Et pour la lui présenter comme une église rayonnante, qui est devenue rayonnante, hallelujah. To him, without stain, sans tache. Which means they were washed, the Holy Spirit can wash pure. Ce qui signifie qu'elles étaient lavées, le Saint-Esprit lave purement. No single stain, no wrinkle. Aucune simple tache, sans ride. No blemish. Sans blâme. And remaining holy and also blameless. Et restant sainte et sans reproche. Which means there was no right. The devil could not claim any right. Ce qui signifie qu'il n'y avait aucun droit. Le diable ne pouvait revendiquer aucun droit. Whether legal right, historic right, que ce soit un droit légal ou un droit historique, any right over them because they were washed with no blame. Aucun droit sur elles parce qu'elles étaient lavées sans reproche. So you can see very clearly that when Jesus was talking to this church, to you that are listening. Alors vous voyez vraiment clairement que Jésus qui était en train de parler à cette église, à vous qui écoutez, this mighty parable of the five foolish virgins and the five wise virgins. Cette puissante parabole des cinq vierges folles et des cinq vierges sages. He spoke a very deep conversation about the rapture. Il a dit une conversation très profonde à propos de l'enlèvement. And he said, et il a dit, make yourselves available as a vessel for the infilling by the Holy Spirit. Faites-vous vous-même disponible comme un récipient capable d'être rempli par le Saint-Esprit. So you may be washed to be radiant. Alors vous pouvez être lavé pour être rayonnant. Perfect, mature, blameless. Parfait, mature, irréprochable. Blemishless, without a wrinkle or stain. Sans défaut, sans une ride ou une tâche, so you may be presented unto him on the day of the wedding. Alors vous pouvez lui être présenté pour le jour du mariage. You can imagine how much a mother prepares a daughter. Vous pouvez imaginer combien une mère prépare une fille to present her at the wedding hall to the man. Pour la présenter à l'homme dans la salle de noces. That is in the physical level of the earth. Ça, c'est dans le niveau physique, terrestre. How much more does the Holy Spirit who has been sent to prepare the church? Combien plus le Saint-Esprit qui a été envoyé pour préparer l'Église? Hallelujah. Alléluia. How much more does he prepare the church? Combien plus prépare-t-il l'Église? As a radiant, spotless. Comme rayonnante, sans tache, blemishless. Sans défaut, wrinkleless. Sans ride, stainless. Sans tache, even blameless, irréprochable, so he may present her during the wedding of the Lamb of God. Alors il peut la présenter pendant le mariage de l'agneau de Dieu. Now I want to bring you to the next level. Je désire vous emmener au niveau suivant. Now let's talk about the oil. Alors parlons de l'huile. In the book of Matthew 25. Dans le livre de Matthieu 25. Again, still looking at the mighty parable. Encore regardant à la puissante parabole. When the Lord spoke about the five foolish virgins. Dont le Seigneur a parlé à propos des cinq vierges folles. And the five wise virgins. Et des cinq vierges sages. And he said, the difference between the wise virgins that enter into the wedding of the Lamb of God. Et il dit la différence entre les saint vierges sages qui sont entrées dans le royaume de Dieu and the foolish virgins et les vierges folles is the oil, c'est l'huile. The jar of oil that the wise virgins took, les jarres d'huile que les vierges sages ont pris while the foolish virgins did not. Alors que les vierges folles ne l'ont pas fait. Now we know that the oil here symbolizes the Holy Spirit. Alors nous savons que l'huile ici symbolise le Saint-Esprit. And so it's very, very important to understand. Et c'est très, très important de comprendre. The Holy Spirit will bring anointing, a multifaceted anointing into the church. Le Saint-Esprit veut apporter une onction à multiples facettes à l'Église. And this is what the Lord was speaking to the church. C'était ce que le Seigneur était en train de dire à l'Église. So there is the oil of gladness, the oil of the anointing or the presence of God. Alors, il y a une onction de bonheur, une huile d'onction de la présence de Dieu. And it's very, very critical. Et c'est très, très important. That the church operate under the anointing of the Holy Spirit. Que l'Église fonctionne sous l'onction du Saint-Esprit. Even as she waits for the rapture. Même qu'elle est en train d'attendre l'enlèvement. We've seen very clearly that only the Holy Spirit. Vous voyez très clairement que seul le Saint-Esprit. Through his infilling of the church. À travers sa manière de remplir l'Église. Can he clean the church to be as radiant? Peut-il purifier l'Église pour être aussi rayonnante? And pure, blameless, holy. Et pure. Sans reproche, sainte, presentable unto the Lord. Présentable devant le Seigneur. And remember that in this wedding here, et souvenez-vous que ce mariage ici, we are not wedding to the son of an earthly king. Nous n'épousons pas le fils d'un roi terrestre. You can imagine how much is always arranged when the son of a king is wedding. Vous pouvez imaginer combien c'est toujours arrangé quand le fils d'un roi se marie. How many Mercedes-Benzes, private jets. Combien de Mercedes-Benz, de jets privés. Invited presidents of companies of nations. Combien de présidents invités, de compagnies, de nations. And it's always a very big thing. Everything almost comes to a stop in those countries. Et c'est toujours une chose très importante. Et chaque chose s'arrête dans ces moments. But I'm talking about that being like a drop into an ocean. Et je suis en train de parler de ça comme étant une goutte dans l'océan. If you consider the wedding to which the church has been aligned. Si vous considérez le mariage avec lequel l'Église a à s'aligner. The church is wedding to Christ. The Messiah.